La Radiodiffusion Télévision Française et la Société des Comédiens Français vous présentent en seconde diffusion l'Alcade de Zalamea, comédie en trois journées de Calderón de la Barca, adaptation nouvelle de M. Alexandre Arnoux, illustration musicale de M. Jean Viener, direction artistique Jacques Régnier, avec la distribution suivante. Messieurs Julien Berthaud, le capitaine, Jean Meyer, Domendo, André Falcon, Juan, Jean Davy, dont Lopé des Figueroa, M. Fernand Ledoux jouera Pedro Crespo, Paul-Émile Débert, un soldat, Maurice Portera, le sergent, Louis Aymon, le roi Philippe II, Georges Baconnet, le greffier, Jean Pia, le chanteur de sérénade, Teddy Bilis, Reboliedo, Michel Galabru, Nuno, Arsène Drancourt et Charles Millot, les paysans. Mesdames Gisèle Casadessus, Inès, Denise Noël, l'étincelle, Geneviève Martinet, la récitante, et Maria Casares, Isabelle. Calderón de la Barca est le cadet de Cervantes et de Lope de Vega, le contemporain de notre Corneille. Il entre dans sa longue et féconde carrière au moment où s'éteint en Angleterre la grande voix de Shakespeare, dont aucun écho du reste ne semble avoir touché son oreille. Époque admirable. Quand nous la considérons à distance, les contemporains ne s'en aperçoivent guère. Il manque de perspectives et d'informations. L'abondance de Calderón étonne presque autant que celle de Lope de Vega. Moins fluide et plus puissant, constructeur plus achevé, il domine sa génération. Sa prodigalité et sa force épuiseront la sève généreuse de la comédie espagnole. Il a écrit, au cours de sa longue carrière, des comédies d'intrigue, de cap et d'épée, des drames héroïques et chevaleresques, des tragédies de la destinée, sans compter les auto-sacramentales, ces ouvrages populaires, religieux et symboliques qui continuent les mystères du Moyen-Âge et où il met la plus haute flamme de son génie, de sa volonté d'édification et de sa foi. De la production de Calderón qui nous demeure accessible, trois pièces, à mon sens, se détachent à la manière de sommets culminants, de monuments représentatifs. La vie est un songe, le médecin de son honneur, l'Alcade de Zalamea. On pourrait y joindre, sans doute, la dévotion à la croix qui ferait la liaison avec les drames édifiants et ménagerait la transition du profane au sacré, du vivant humain au sublime allégorique et théologique. J'ai adapté déjà pour la scène française les deux premières. La vie est un songe qui traite du destin, de la liberté, de la fatalité et de la réalité même de la vie, œuvre de vaste audience qui s'adresse à l'homme de tous les pays et de tous les temps. Puis, le médecin de son honneur, tragédie spécifiquement espagnole de la jalousie et de l'honneur le plus exclusif, auprès duquel celui dont les héros de Corneille professent le culte semble modéré et latitudinaire, tragédie strictement limitée par son époque et par sa patrie. Aujourd'hui, le besoin, une espèce de nécessité intérieure à laquelle je cède plus facilement que je ne la comprends, m'oblige à m'attaquer à la troisième partie de cette trilogie de mon choix, à l'Alcade de Zalamea. Cette comédie, sauf en ce qu'elle porte la griffe de Calderón, ne s'apparente guère aux deux autres. Aucune considération métaphysique, aucun débat entre le réel et l'irréel, la liberté et la prédestination, aucune analyse tortueuse et brûlante des passions de l'amour et de leur paroxysme, des maladies et des obsessions de l'honneur et de la jalousie, comme dans le médecin de son honneur. Si l'honneur y règne, c'est sous une forme toute différente, terrienne, paysanne, robuste, que n'enfièvre et ne dénature nulle complication. L'Alcade de Zalamea tient naïvement au sol de l'Espagne. Le sujet, Calderón l'a tiré sans doute d'une anecdote, d'un fait divers. Des troupes de passage cantonnent, un officier essaie de séduire une fille du village, n'y parvient pas, l'enlève et la viole, rien de plus. Mais cette matière si fruste sert de point de départ et de support à la peinture, inégalée dans ses raccourcis, d'un bourg campagnard, avec son air plein de sagesse et de dignité, fier et modeste à la fois, capable de ne pas faiblir devant un général et le roi même, quand il s'agit de justice et de la haute idée qu'il a de sa réputation et de ses prérogatives, avec son hobereau ruiné, affamé, ridicule et outrecuidant. Les personnages du clan opposé, les militaires, ne se détachent pas avec moins de précision et de relief. L'officier brutal est rempli de soi-même, le soldat fripon et débrouillard, l'aventurière qui court les routes à la suite de la compagnie, et principalement, figure pittoresque, travaillée, légendaire, ce Don Lope de Figueroa, vieille culotte de peau épique, celui-là même qui commandait Cervantes à l'épante, et dont le souvenir, j'imagine, se maintenait vivace et embelli par la tradition, au sein de la chronique parlée du fameux Tercio des Flandres, où précisément a servi Calderon. Oui, dans cette comédie rurale, familière et poignante, tout respire l'Espagne du temps de l'auteur et l'Espagne éternelle. Tout, sous la main et le souffle du poète, déborde son cadre et atteint l'universalité humaine. D'un fait divers, et sans doute assez banalement authentique, la querelle d'une troupe de soldats et du village qui la loge, sur le chemin de Lisbonne où Philippe II va recevoir la couronne de Portugal, et l'histoire nous enseigne que Don Lope a commandé en effet l'armée royale à cette occasion. D'un fait divers, dis-je, mille fois répété à travers les âges, le dramaturge a extrait la moelle humaine, la généralité essentielle. Voilà sans doute un des plus beaux exemples de l'inspiration créatrice, et nous la saisissons ici à sa source. Nulle brume, nul rideau ne s'élève entre le spectateur et l'inventeur, ne les sépare. Il communie au cœur même de l'action. Et c'est pourquoi, je le devine maintenant, une nécessité impérieuse m'a incité, forcé, après le sombre médecin de son honneur, après la lyrique vie est un songe, à traduire pour mes contemporains et pour moi-même l'Alcade de Salaméa, où le génie sait, sans la trahir, magnifier la plus humble réalité quotidienne et la transfigurer véridiquement. Première journée, premier tableau, une route aux approches de Zalamea. Une troupe est en marche. Sans boire. Ah, que le diable les encorne, les malotrus qui nous font marcher. Et pas de pause. Ils pourraient bien nous offrir un verre. Oui, que le diable les encorne. Ainsi soit-il. Ma parole, ils nous prennent pour des gitans, toujours pilonnés au son du tambour, derrière un drapeau qui déploie même pas, qui reste dans sa gaine. Oh, quel métier. Assez, Reboliedo. T'as pas fini de râler, non? Non, je commence. Le tambour nous casse les oreilles. Bon, pour le moment, il ne roule plus. Ça durera pas. Le tambour me plaît, à moi. Il m'ôte la fatigue. Bientôt, nous arriverons à l'étape, au village. Le village. Je me moque bien du village, si j'y entre à moitié mort. Mince consolation. Hé, supposez que j'y entre vivant. Je serai pas au bout de ma peine. Dieu sait d'abord si nous nous y arrêterons. L'alcade se débrouille pour ne pas nous loger, pour couper au dérangement. Il graisse la patte au fourrier. Fourrier serait gris. Impossible. La troupe n'en peut plus. Elle avance sur les genoux. Alors l'alcade regresse la repatte au fourrier. Et le fourrier nous annonce qu'il y a de nouveaux ordres, qu'on condamnera plus loin, qu'il se trouve un patelin magnifique à une petite lieue. Et en avant. Et nous, pauvres couillons, nous obéissons sans renauder. Mais bon Dieu de bon Dieu, si ce soir à Zalamea on veut m'obliger à repartir, on aura beau faire et beau dire, je poserai le pactage. Et vous pourrez continuer, ils m'auront pas moi. Sans me flatter, j'ai la tête dure. Ce sera pas la première fois que je me cabre et m'obstine. Et la première fois non plus, Révoliedo, qu'une bêtise coûte la vie à un pauvre fantassin. Oh là là. Refus d'obéissance, désertion. Souviens-toi que Don Lope de Figueroa nous commande. Et un coriace. Service, service. Un brave, bien sûr. Un vaillant. Mais pas tendre. Toujours sacrant. Capable de pendre son meilleur ami pour l'exemple. Je sais, camarade, je sais. Ouais. Ça n'empêchera rien. Moi aussi, je suis cabochard. J'aurai le dernier mot. Ne t'y fie pas, Révoliedo. Un chou frangeux. M'inquiète de rien. Sauf de ce que deviendra cette pauvrette qui m'a suivi à la guerre. Oh, n'aie pas peur, Révoliedo. T'afflige pas pour moi. Tu m'humilies. Je suis né, comme on dit, avec du poil au cœur. Ah, je t'accompagne. Hein. J'accepte toutes les fatigues et les désagréments militaires. Je trime avec la troupe. Voilà mon sort. J'aurais pu, si j'avais voulu, me la couler douce chez les chevins. Une bonne place, bien nourrie, et les pourboires qui pleuvent, des petits cadeaux des solliciteurs, mais non. Je préfère courir le monde avec les soldats, moi. T'en fais pas pour moi, Révoyedo. Par le ciel, l'étincelle, t'es la perle des femmes. Bien ah, parlé. J'approuve. Vive l'étincelle. Pour raccourcir le chemin, elle va nous en pousser une. Ah oui. Enfin, une gaudriole. D'accord, l'étincelle. D'accord. Tiri tiri tin tin tin, je suis le bouquet des refrains. Tiri tiri tin tin tin, elle est le bouquet des refrains. Le lieutenant s'en va en guerre, il s'embarque le capitaine. Si ça leur plaît qu'ils tuent les morts, à moi jamais ils n'ont fait tort. Chauffer le four, cuiser le pain, cette étape m'a donné faim. Hôtesse plume ton chapon, je digère mal le mouton. Tiri tiri tin tin tin tin, je suis le bouquet des refrains. Tiri tiri tin tin tin, elle est le bouquet des refrains. Regardez, là-bas, ce clocher. Ah, ça abrège la route, une chanson. Parions pour le clocher de Zalamea. Pas de doute, c'est Zalamea, on va souffler. J'aurais bien accepté l'étincelle. Un quart de lieu de plus pour l'amour de tes chansons. Oh, pas de regret, fiston, t'auras encore l'avantage de m'entendre. J'ai pas vidé mon sac. Y a des gens qui pleurent à la moindre occasion. Moi, je chante. Ma nature, quoi. Halte ici, camarade. Sergent va nous apporter les ordres pour l'entrée à Zalamea. Tiens, le voici justement, avec le capitaine. Ah. Une bonne nouvelle. Messieurs les soldats, nous cantonnons à Zalamea. Oh. Au repos jusqu'à ce que nous rejoignent Don Lope avec le reste du régiment qui est encore à Yorona. Nous nous rassemblons tous ici avant de gagner au complet Guadalupe. Cela nous présage quelques jours de tranquillité. Bonne nouvelle en effet, mon capitaine. Vive le capitaine! Les logements sont désignés. Le foyer répartit les billets à l'entrée du village. Allez, en avant! Deuxième tableau. Une rue à Zalamea. On aperçoit la maison de Pedro Crespo. Sergent, vous avez le billet de logement qui me concerne ? Parfaitement, mon capitaine. Et chez qui ? Une bonne maison. Celle du villageois le plus considéré, le mieux pourvu de terre du pays. Et un homme, paraît-il, plein de présomption et d'orgueil, aussi vain et content de soi que s'il avait pour frère un enfant de Léon. Ah, je vois cela. Un rustre riche et tout gonflé d'importance. Mais je vous l'assure, mon capitaine, la meilleure maison du bourg. Du reste, si je l'ai choisie pour vous, ce n'est pas tant à cause de sa commodité, de sa propreté, que parce qu'elle abrite la plus jolie fille de Zalamea. Une femme ? Oui, la fille de ce Pedro Crespo. Oh, je connais la chanson. Quelques paysannes qui s'en croient parce qu'on la dit belle et que son père a des écus. De grosses mains et de grands pieds. Tout le monde ne partage pas cet avis. Nous verrons bien. Enfin, mon capitaine, pour quelqu'un qui n'a pas le cœur engagé et qui cherche un divertissement, quoi de plus agréable qu'une villageoise toute intimidée et déconcertée des hommages qu'on lui rend ? Pour les autres, peut-être. Pas pour moi, sergent. Une femme rustique, sans élégance, qui ne sait pas s'habiller, ne me semble pas une femme. Moi, mon capitaine, je ne raffine pas de la sorte. Une femme, à mon goût, même un peu campagnarde, est toujours une femme. Et celle-là, si vous n'en voulez pas, si vous me laissez le chemin libre, je m'en occuperai dès ce soir. À votre gré, sergent, à votre gré. Oh hein? Oh, quel est cet homme là-bas au coin de la rue? Oh, il descend de cheval, d'un cheval plus maigre que Rocinante. Et lui-même, avec sa triste figure, sa jambe de héron, sa haute taille, me rappelle singulièrement ce Don Quichotte de la Manche dont Cervantes a écrit les aventures. Ah, l'étrange personnage. Mais, sergent, allons veiller d'abord aux affaires de la compagnie. Mmh. Puis vous ferez porter mon bagage chez ce Crespo, oui, où j'ai mon billet. Bien, mon capitaine. Comment va le cheval, le gris pommelé? Il ne tient plus sur ses pattes. As-tu dit au valet d'écurie de le promener? Un sac d'avoine ferait mieux son affaire. La promenade délasse les chevaux. Je vous le répète, monsieur, il préférerait un picotin. As-tu bien recommandé qu'on n'attache pas mes lévriers? Oui, monsieur, pour le malheur du boucher, car ils ont faim et ils sont voleurs. Assez, Nuno. 3 heures ont sonné. Passe-moi mes gants et mon cure-dent. Pensez-vous, monsieur, tromper le monde avec un cure-dent? Si quelqu'un ose prétendre que je n'ai pas mangé à dîner un faisan, vive Dieu, je soutiendrai au lieu qu'il voudra et les armes à la main qu'il en a menti par la gorge. Vous feriez mieux, monsieur, de me soutenir de quelques potages. On sort mal à jeun. Assez de balivernes, te dis-je. À propos, il paraît que les soldats sont arrivés aujourd'hui. Parfaitement, monsieur. Quelle lourde charge pour les villageois, pour la roture. Toujours des hôtes à loger et à nourrir. Moi, monsieur, je plains plutôt ceux qui ne reçoivent pas d'hôtes. Qui donc? Les pauvres gentilshommes. Ne vous demandez-vous jamais pourquoi le roi les dispense de loger les soldats de passage? Ma foi, non. Eh, parbleu, de peur qu'ils ne meurent de privation. Dieu accorde le repos et la paix à l'âme de mon bon seigneur de paix, car il m'a laissé d'authentiques lettres de noblesse écrites à l'encre d'or et d'azur et qui me valent mes exemptions et privilèges. Il aurait mieux valu qu'il vous laissât quelques écus. Du reste, bien réfléchir et pour dire l'exacte vérité, je ne lui ai pas grande obligation qu'il m'a fait noble. Je n'aurais jamais souffert, en dépit de son insistance, qu'un roturier m'engendra dans le ventre de ma mère. À cet âge, monsieur, on ne distingue pas encore. Tu n'entends rien à la philosophie ni à la science, Nono. L'être qui vient au monde se compose de la substance des aliments qu'ont mangé ses géniteurs. Vos parents mangeaient donc? Dommage, monsieur, que vous n'ayez pas hérité de cette habitude. Ces aliments se transforment en lui par la suite, deviennent sa propre chair et son propre sang. Si quelque rustre nourri d'oignons avait brigué l'honneur de me procréer, je l'aurais senti sur le champ et j'aurais protesté, j'aurais refusé de me constituer d'une matière si basse, d'être, en quelque sorte, un excrément d'oignon. On a bien raison de le dire, monsieur. La faim aiguise l'esprit. Voudrais-tu, butor, insinuer que j'ai l'estomac creux? Non pas, monsieur, non pas. Mais enfin, l'appétit peut venir. 3 heures ont sonné, je parierais qu'aucune mixture n'enlèverait aussi bien les taches que votre salive ou les miennes. 3 heures sonnées, est-ce une raison pour que j'ai faim? Nous n'appartenons pas à la même espèce, la canaille et moi. Un gentilhomme se passe aisément de dîner. Que ne suis-je gentilhomme? Et songe, Nuno, pour nous élever à des discours moins grossiers, que nous nous trouvons dans la rue où habite la charmante Isabelle. J'y songe, monsieur. Et je ne comprends pas pourquoi, amant si fidèle et constant d'Isabelle, vous ne demandez pas sa main à son père. Cela remédierait à tout. Ni l'un ni l'autre, vous ne manqueriez plus de rien. Vous auriez de quoi dîner. Il y aurait des petits-enfants, gentilhomme. Ah, fille, Nuno, fille. L'appât de l'argent m'abaisserait-il jusqu'à un beau-père sans naissance? Où voyez-vous l'abaissement, monsieur? Rien ne vaut à mon idée un vilain de beau-père s'il a du foin dans ses bottes. Et si vous ne voulez pas épouser Isabelle, pourquoi lui faire une cour si assidue? Ne peut-on jouir des faveurs d'une roturière sans l'épouser? Et n'y a-t-il pas des couvents à Burgos pour lui donner asile quand ma fantaisie aura passé? Regarde si tu l'aperçois. Proche de sa maison. J'ai peur de Pedro Crespo. Il ne badine pas sur le chapitre. Qui oserait, Nono, toucher à mon serviteur? Tenez, monsieur, j'ai de la chance. Voici qu'elle se met à la fenêtre derrière la grille avec sa cousine Inès. Dis plutôt que, au balcon de l'Orient, le soleil que les diamants couronnent renouvelle après le milieu du jour la plus brillante de ses aurores. J'allais le dire, monsieur. Viens à la fenêtre, cousine Isabelle. D'ici, nous verrons commodément l'entrée des soldats. Ce serait volontiers sans ce fâcheux de Don Mendo, toujours posté à l'angle de la rue. Son insistance m'offense. La folie le possède de te courtiser et de te servir. Je me passerai aisément de ce bonheur. Ne te pique pas, Isabelle. Tu as tort. Divertissons-nous plutôt de ton soupirant. Comment peut-on se divertir de ses dégoûts? J'aurais juré jusqu'à 7 heures sur ma foi de gentilhomme, serment inviolable, que le soleil n'avait point encore paru. Qui s'en étonnerait? Deux aurores jumelles annoncent un nouveau et véritable jour. Je vous ai dit maintes fois, Seigneur Mendo, que vous perdez avec moi vos galanteries et vos assiduités. Vous feriez mieux de les porter ailleurs que dans ma rue et devant ma maison. Ah, si les femmes savaient combien la colère, les dédains, la rigueur ajoutent à leur beauté, elles ne voudraient jamais d'autre phare. Sur ma vie, de toutes, vous êtes la plus belle. Accablez-moi de vos dédains. Puisque vous refusez de comprendre mes paroles, Don Mendo, je répondrai d'une autre manière. Quittons cette place, Inès, et ferme-lui la fenêtre au nez. Seigneur chevalier errant, qui ne cherchait que des aventures sans péril, craignant les autres, seigneur chevalier errant, qu'amour vous assiste! Les beautés, Inès, ont le privilège de s'évanouir à leur guise. La pauvreté, monsieur, ne récolte que le mépris. Pas moyen de passer dans ma rue sans y rencontrer ce hobereau qui fait gravement les 100 pas. Voici Pedro Crespo, monsieur. Quittons le terrain. Le rustre est soupçonné. Encore ce fantôme décharné rôdant à notre porte, ganté et emplumé. Et voici Juan, son fils, de l'autre côté qui débouche. Du sang-froid, Nuno. Dieu vous garde, Pedro Crespo. Dieu vous garde, monsieur. Si le hobereau sentait, je lui ménagerai un tour de ma façon dont il se souviendra. Sinon Mendo persiste, je finirai par me fâcher. Bonjour, mon père. D'où venez-vous? Désert où l'on bat le blé. Aujourd'hui, j'ai voulu voir les moissons, elles sont magnifiques. Les gerbes épaisses et abondantes couvrent les airs, on dirait de loin des montagnes d'or. Mais d'un or plus pur, plus riche que tous les autres, puisque le ciel lui-même a vérifié le titre de chacun de ses grains. La fourche soulève les gerbes, un vent favorable sépare la paille du grain, et chaque chose, la légère comme la lourde, prend la place qui lui revient. Prions Dieu qu'il nous accorde le temps d'engranger, que ni la pluie ni la tempête ne gâtent ces belles moissons. Et toi, mon fils, qu'as-tu fait? Je ne sais trop comment vous le dire. J'ai joué à la plotte, deux parties, et que j'ai perdu. Petit malheur. Et tu as payé l'enjeu? Précisément, non. Je n'avais pas assez d'argent en poche. Et je venais vous demander, mon père... N'achève pas, Jean. Écoute-moi. Il y a deux choses au monde dont il faut se garder soigneusement. Promettre ce que l'on n'est pas sûr de pouvoir tenir... Jouer plus que l'on ne possède. Parce que s'il arrive que tu ne puisses tenir ou payer, ton crédit en souffrira. Je vous reconnais, mon père, dans ce sage conseil. Je ne vous répondrai que par un proverbe. N'offre jamais un conseil à qui a besoin d'argent. Bien répliqué, mon fils. Nous aviserons. Troisième tableau. La cour à arcade de la maison de Pedro Crespo. C'est bien ici la maison de Pedro Crespo? Y a-t-il pour votre service? Je dois faire porter chez lui la cantine de Don Alvaro de Ataïde, le capitaine de la compagnie qui vient d'arriver à Zalamea. Pas un mot de plus, il suffit. Pour Dieu et pour le roi, dans la personne de ses officiers, j'offre ma maison et mon bien. Pendant que la servante prépare la chambre, qu'on dépose ici la cantine. Et dites à votre capitaine de venir quand il lui plaira. Ma demeure lui appartient. Il ne tardera pas. Pourquoi diable, mon père, étant riche, ne vous libérez-vous pas de cette obligation de loger la troupe? Et par quel moyen, mon fils, obtenir cette exemption? Un moyen très simple, acheter des lettres de noblesse. Dis-moi, Juan, en toute franchise, qui ignore ici mon lignage? Et que, issu d'une famille honorable, je n'en suis pas moins roturier. Personne, tu le reconnais. Que gagnerais-je donc à acheter au roi des lettres de noblesse? Le sang ne s'achète pas du même coup. Crois-tu qu'on m'estimera plus haut qu'avant? Quelle absurdité, mon fils! On racontera que j'ai acquis ma noblesse au prix de 5 ou 6 000 réaux. L'honneur ne s'acquiert pas avec de l'argent. Un exemple, Jean, grossier mais plein de sens. Un homme, chauve depuis de longues années, se munit chez le marchand d'une perruque. Ses voisins vont-ils penser qu'il a cessé d'être chauve? Non pas. Oh, s'écrieront-ils seulement sur son passage, quelle belle perruque! Qu'importe qu'on ne voit plus sa calvitie, nul ne s'y trompe. Bien sûr, mon père, mais la perruque a ses avantages. Elle remédie à une incommodité, elle protège le crâne du soleil, du froid, du vent. Je refuse un honneur postiche qui ne change rien à mon état. Roturier était mes pères, roturiers seront mes enfants. Ah, voici ta sœur Isabelle. Mes filles, le roi notre seigneur, Dieu nous le garde mille années, se rend à Lisbonne où il va recevoir la couronne légitime de Portugal. Les troupes à cet effet se dirigent vers la frontière en grand appareil militaire, jusqu'au fameux régiment des Flandres, qui a regagné la Castille à cette occasion. Ce soir, la maison accueille des gens de guerre. Il importe qu'ils ne te rencontrent pas. Tu te retireras donc, ma fille, au plus haut étage de la maison, dans l'appartement que nous n'occupons plus. J'allais vous en prier, mon père. Je m'exposerai ici à entendre des impertinences. Nous nous réfugions, ma cousine Inès et moi, dans l'appartement du haut, portes et fenêtres closes. Nul ne nous y soupçonnera, pas même la lumière du jour. Bien, Isabelle. Et quant à toi, Jean, reste ici et attends nos hôtes. Je vais chercher de quoi les rafraîchir et les régaler. Viens, Inès. Allons, cousine. Mais à quoi bon tant de précautions? Quelle folie! Qui peut garder une femme sinon elle-même? Voici la maison, mon capitaine. Bien. Qu'on m'apporte donc immédiatement mon bagage qui est au corps de garde. Un moment, si vous permettez. Je vais d'abord m'informer de la petite. Je vous souhaite, monsieur, la bienvenue dans cette demeure. Elle s'honore de recevoir un aussi noble gentilhomme. Comme il semble gaillard, galant et vaillant. Comme il porte bien l'uniforme. Cela donne des envies. Enchanté, moi aussi, de vous rencontrer. Excusez seulement la modestie de notre hospitalité. Mon père aurait voulu un palais pour vous recevoir. Il désire vous traiter pour le mieux. Et moi-même, excusez-moi, si je vous quitte, je dois veiller à la propreté de votre chambre. Tant de courtoisie et de bonne volonté me touche beaucoup. Je me mets entièrement à votre disposition, monsieur. Eh bien, sergent, pas de neuf. Avez-vous aperçu notre villageoise? Oh, par le Christ, j'ai eu beau fouiller les appartements et la cuisine, je n'ai rien trouvé. Sans doute que notre rustre la cache. J'ai appris d'une servante qu'il l'avait cloîtrée au plus haut étage de la maison, qu'elle avait ordre de ne descendre sous aucun prétexte. Méfiant comme pas un, le vieux. Tous pareils, c'est vilain. Ses précautions ne l'avanceront guère. Il m'a piqué au jeu. Si j'avais vu sa fille, en aurais-je fait cas? Mais la difficulté m'excite. Par le diable, je la dénicherai. Mais par quel moyen, mon capitaine? Comment la dépister sans donner prise aux soupçons? Quand je me bute, rien ne m'arrête. Nous imaginerons bien quelques ruses. Avec ces paysans-là, pour besoin de se creuser la cervelle, ils tombent tous dans les panneaux. Oh, une idée. Écoutez, sergent. J'écoute. Vous allez simuler une... Mais si, écoute, non. J'aperçois Reboyedo, un dégourdi. Il jouera le rôle à merveille. Oui, je parlerai au capitaine. Nous verrons si la chance finira par nous sourire. Et montre-toi adroit, Reboyedo, et ne t'énerve pas, t'emballe pas sans raison. Compte sur moi et prête-moi un peu de ton adresse. Oh oui, t'en aurais bien besoin de ma petite jugeote. Mon capitaine, je viens vous supplier... En quoi puis-je t'aider, Reboyedo? J'estime fort ton allant, ton entrain. Je ferai ce qui sera en mon pouvoir. En vérité, mon capitaine est un très bon soldat, un débrouillard. Que demandes-tu? Je possède plus un sou, mon capitaine. J'ai perdu tout l'argent que j'avais, que j'ai et que j'aurai. Me voici ruiné à jamais, au passé, au présent et au futur. Si pour me renflouer, vous souffliez à l'enseigne de... Poursuis. Que veux-tu? De me donner la régie, le privilège des jeux de la compagnie. Je suis un homme d'honneur, accablé de charges. Ta requête me semble raisonnable, je l'appuierai auprès de l'enseigne. L'entretien tourne favorablement, cela se devine. Oh, si nous avions la régie des jeux, de quoi nous tirer du pétrin. Mais mille merci, mon capitaine. Je cours de ce pas à informer l'enseigne. Une minute, sœur Reboyedo. J'ai besoin de ton aide pour l'exécution d'un stratagème que j'ai imaginé et dont la réussite me tient au cœur. À vos ordres, sitôt dit, sitôt fait. Je voudrais, mon garçon, je voudrais que on montât au plus haut étage de la maison pour voir s'il s'y trouve une personne qui se cache de moi. Qui vous empêche d'y monter? Impossible. Il me faut un prétexte qui m'excuse. Par exemple, nous avons une altercation. Tu fuis, là, par l'escalier, furieux, je dégaine, épouvanté, égaré, tu entres dans la chambre où se trouve cette personne. Compris, mon capitaine. Ça y est, nous avons les jeux. Le capitaine et Reboyedo s'entretiennent comme des amis. Alors quoi, cette régie? Ce secours que je demande, on me les refuse? On les donne à un coquin, un foireux, un lèche-cul? On préfère à un homme d'honneur cette crapule? Est-ce qu'il lui prend encore ses folies? Comment? Parler sur ce ton à son supérieur? J'ai raison, j'ai le droit de me fâcher. Mais pas celui de l'insolence. Ce serait bien bon de le supporter, tu t'en repentiras, Reboyedo. Mon insolence! Moi qui me modère par révérence de mon capitaine! Ah, sacré Dieu! Si j'avais seulement une arme! Et que ferais-tu? Calmez-vous, mon capitaine, je vous en prie! Cet idiot de Reboyedo tente la mort. Oui, si j'avais une arme, vous n'oseriez pas me traiter de cette façon! Ne me pousse pas à bout, coquin fiefé, tu le paierais de ta vie! Ah, je cède, je fuis, mais seulement par respect de votre grade! Tu auras beau vouloir t'échapper, je ne te manquerai pas! Oh, voilà bien ces extravagants, s'il a encore fait des Mais mon capitaine, abusez-vous! Je vous en prie, écoutez-moi! Arrêtez! Mais considérez-vous! Oh, les jeux sont faits, nous ne les aurons pas. À toi tous, vite. Mais quel tumulte, qu'arrive-t-il? Le capitaine a tiré l'épée contre un soldat qui a pris la fuite par là, par l'escalier. Oh, destin funeste. Me suivez-les, séparez-les. Ah, à quoi nous a-t-il servi de vouloir leur dérober ma sœur et Inès? Quatrième tableau. Un appartement à l'étage supérieur de la maison de Pedro Crespo. Un temple, mesdames, a toujours été un refuge sacré. Dans votre chambre, en temple de l'amour, je demande asile. Qui fuyez-vous? Qui vous donne la chasse? Mais quel motif avez-vous de pénétrer ici? Quel danger! Excuse votre audace! C'est moi qui poursuis ce coquin. Est-il tué? Apaisez-vous, monsieur. Il a trouvé refuge près de moi. Les hommes comme vous respectent et protègent les femmes, sinon à cause de ce qu'elles valent personnellement, du moins parce qu'elles sont femmes. Cette raison leur suffit. Aucun autre asile n'aurait pu le défendre de ma colère, aucun autre que votre beauté. Il lui doit la vie. Mais reconnaissez, madame, que votre beauté, en m'épargnant un homicide, me frappe du même coup, mortellement. Votre courtoisie, monsieur, nous engage à des obligations éternelles. N'abusez pas de cet avantage. Je vous ai prié d'épargner ce soldat, je m'acquitterai moi-même de ma dette envers vous. Votre insistance ne servirait de rien. J'admire la rare perfection de votre esprit. En vous, madame, s'allie la délicatesse et la beauté, et je... Et quoi, monsieur? Je m'attendais à la crêle et au meurtre, et je vous trouve en train de débiter des galanteries. Dieu me protège. Êtes-vous de si noble race que vous ayez puissance de maîtriser sur le champ, en vous, les colères? Noblesse oblige. Le respect que je dois à cette dame m'a aussitôt suspendu ma fureur. Isabelle, une dame? Non, monsieur. Une simple villageoise et ma fille. Une ruse machinée pour pénétrer ici. S'imagine-t-il que je m'y laisserais prendre comme un bonnet? Seigneur capitaine, vous auriez pu reconnaître avec plus de gratitude le désir qu'a témoigné mon père de vous servir et lui éviter cet affront. Mêle-toi de ce qui te regarde, Juan. Un affront? De quel affront peut-il s'agir? Un soldat lui a manqué, n'avait-il pas le droit de le châtier et de le poursuivre? Ma fille le remercie d'avoir entendu sa prière, et moi je lui rends grâce de ses égards. Voilà qui est clair. Mesurez mieux une autre fois votre langage. Je sais ce que j'ai vu. Non, ne parlez pas de la sorte. Parce que, mon garçon, sans la présence de votre père, chaque syllabe vous coûterait cher. Pardon, capitaine. J'ai le droit de traiter mon fils comme il me plaît. Mais je n'accorde ce droit à aucun autre. Je supporte tout de mon père, mais de lui seul. Vous ne supporteriez pas d'un autre. Et que diable feriez-vous? Je sacrifierais ma vie à mon honneur. Oh, l'honneur d'un vilain, d'un russe. Il vaut le vôtre? Sans paysan, il n'y aurait pas de capitaine? Tout cela commence à m'excéder, je me fâcherai à la fin! Ah, pardieu, je me mettrai entre vous! Ah, l'étincelle, ça va bagarrer! La garde! Oh là, la garde! Attention, messieurs! Attention, voici de l'opé! Ouvrons l'œil. Quel tumulte! Donc la première chose que je vois en arrivant ici, c'est une querelle? Une rixe? Non, l'op de Figueroa tombe mal. Mon garçon aurait tenu tête à tout le monde, il n'a peur de rien. Et vive Dieu, répondez! Qui a-t-il? Pourquoi tout ce vacarme? Répondez! Vite, sinon je jette par la fenêtre les hommes, les femmes et toute la maisonnée. Attiré par le bruit, j'ai grimpé jusqu'ici malgré cette jambe qui me fait souffrir le martyr. Maudite jambe. Le diable l'emporte, ainsi soit-il. Allez, parlez, sacrebleu, parlez, qu'y a-t-il? Tout ceci n'est rien, monsieur. Et la vérité, je veux apprendre la vérité. J'ai mon logement dans cette demeure et un soldat. Un soldat? Alors, achevez. M'a irrité. Et donné motif de tirer l'épée contre lui. Il fuit, il se réfugie ici où se trouvent ces deux villageoises. J'y arrive derrière lui, de bons hommes, le père, le frère, je ne sais trop quoi, s'offensent de mon entrée dans cette chambre. Et je surviens à propos. Je donnerai satisfaction à chacun. Qui est d'abord le soldat qui a fourni l'occasion à son capitaine de dégainer contre lui? Ça y est, je vais payer pour tout le monde. Voici, monsieur le fuyard. Qu'on lui inflige deux tours d'estrapade. M'infliger l'estrapade? Oui, l'estrapade. Me traitez moi de la sorte? Pourvu qu'il ne me l'abîme pas trop. Je mesure et boyer d'eau, je te tirerai d'affaire. Motus. Me tire pour qu'on m'estrapade? Le capitaine m'a ordonné de feindre une dispute avec lui pour avoir l'occasion d'entrer dans cette chambre. Nos soupçons ne se trempaient pas. Nous avions raison. Non, pas, vous aviez tort. Et vous risquez la ruine, la mise à sac de Salaméa. Hola, tambour! Voici mes ordres. La troupe consignée pour toute la journée au corps de garde. Défense de sortir sous peine de mort. Quant à vous, capitaine, afin d'éviter toute difficulté nouvelle entre vous et votre hôte, trouvez un autre logement. Ainsi n'aurez-vous plus ni l'un ni l'autre tentation de chamaille. Moi, je m'installe ici, dans cette maison, en attendant de partir pour Guadeloupe, où est le roi. J'obéis exactement à vos ordres. Mes enfants, laissez-nous seuls. Oui, viens, Isabelle. Je vous rends mille grâces, seigneur. Sans votre bienveillance, je courrais risque de me perdre. De vous perdre? Comment entendez-vous ça? Oui, en tuant un homme qui avait cherché à m'offenser. Savez-vous, vive Dieu, que cet homme est capitaine? Vive Dieu, je le sais, mais fut-il général et qu'il eût blessé mon honneur, je le tuerais aussi bien. Celui qui oserait toucher un fil de l'uniforme du dernier de mes soldats, par le ciel, je le ferai pendre. Qui souillerait la plus infime parcelle de mon honneur, par le ciel, je le ferai pendre, moi aussi. Savez-vous que votre état comporte des obligations, vous impose certaines charges? Mais bien s'y soumettent, non pas mon honneur. Mon patrimoine, ma vie, je les offre au roi. L'honneur est possession de l'âme, et l'âme n'appartient qu'à Dieu. Par le Christ, vous avez peut-être raison. Je n'ai pas coutume par le Christ d'avoir tort. Moi, je me sens rompu. Cette jambe dont m'a gratifié le diable a diantrement besoin de repos. Et pourquoi ne se délasserait-elle pas? Le diable m'a pourvu, moi, d'un lit, je vous le donne. Et ce lit, le diable l'a-t-il fait? Bien sûr. Eh ben, je vais le défaire. Car Dieu me donne, je suis fourbu. Eh bien, Dieu me donne, reposez-vous. Un entêté, ce rustre. Et qui jure autant que moi? Un homme de mauvais poil, ce don Lopé. Nous aurons du mal à nous entendre. Deuxième journée. Premier tableau. Une rue au crépuscule. Qui t'a raconté tout cela, Nono? Ginèse la servante, monsieur. Donc le capitaine, après cette dispute vraie ou feinte, se serait amouraché d'Isabelle? Oui, monsieur, tout autant que vous. Du matin au soir, du soir au matin, il rôde aux approches de sa porte. Il ne cesse pas de lui adresser des poulets. Et il a comme messager un messager qui n'arrête pas. Un certain soldat très dégourdi, son homme de confiance. Assez, Nono. Assez. Trop de poison pour mon âme. Je ne puis l'avaler d'un seul coup. Surtout, monsieur, avec un estomac si débilité par le jeu. Parlons sérieusement, Nono. Faisons-nous autre chose. Hélas, je ne vous mens pas. Et à ces avances, comment répond Isabelle? Comme au vôtre, monsieur. Isabelle est une divinité. Sa beauté habite un ciel que les vapeurs de la terre n'atteignent pas. Voilà pour toi, coquin, et pour les nouvelles que tu me donnes. Aïe, aïe, aïe! Que le diable, monsieur, vous envoie une bonne rage de dents. Vous m'en avez caché deux. Du reste, ça n'a guère d'importance. Pour ce qu'elles servent chez vous... Ah, le capitaine. Par le Christ! Si je ne voulais ménager la réputation d'Isabelle, je le transpercerais sur le champ. Parle toujours, Capon, et numérote tes os. Viens par ici. Dissimulons-nous pour écouter. Ce feu, cette passion, dois-je les considérer seulement comme de l'amour? Non! De la démence, de la colère, de la rage, de la fureur. Maudit le moment où vous avez aperçu la belle villageoise, mon capitaine. Il vous coûte beaucoup d'angoisse. Que t'a dit la servante? Rien de neuf, ce qu'elle rabâche toujours. Voici ce que j'ai résolu, Nono. La nuit va bientôt déployer sur nous ses sombres voiles. Ma vaillance et prudence ont tenu conseil. Rentrons. Tu me revêtiras de mes armes. Et quelles armes, monsieur? En possédez-vous d'autres que celles qu'on a figurées au-dessus de la porte de votre maison? Nous trouvons bien quelque chose de digne de nous dans la cellerie ou au grenier. Attention, doucement! Que le capitaine ne nous flatte pas. Cette opiniâtreté, cette fierté chez une petite paysanne. Pas un signe, hein, pas un mot d'encouragement. Oh, cette sorte de femme, monsieur, n'apprécie guère les hommes de votre qualité. Un rustre qui les courtise contente mieux leur bassesse. Vos plaintes, du reste, n'ont déjà plus d'objet, nous partons demain. Espérez-vous la réduire en moins d'un jour? Un jour. En un jour, le soleil brille et se couche. Un empire se bouleverse, un monceau de pierre devient palais. En un jour, une bataille se perd et une victoire se remporte. La mer se gonfle et s'apaise, un homme naît et meurt. Pourquoi, en une journée, mon amour ne pourrait-il briller et s'éteindre ainsi que le soleil, se soulever et s'apaiser ainsi que l'océan? Connaître le désastre et la victoire comme une armée, naître et mourir comme un homme. Pourquoi, après m'avoir abreuvé en un jour de tant d'infortunés et de déceptions, le destin ne me comblerait-il pas en un jour aussi de bonheur et de gloire? Les réussites auraient-elles plus de peine à s'engendrer que les défaites? Et vous ne l'avez vu qu'une fois, monsieur. Que serait-ce donc si... Une fois suffit. Faut-il plus d'étincelles pour allumer un incendie, plus d'une minute pour que le volcan se mette à vomir le soufre? Un coup de tonnerre pour foudroyer, d'une balle pour tuer? Pourquoi l'amour aurait-il besoin de plus de temps que l'arme à feu, la foudre, le volcan, l'incendie? Vous affirmiez cependant, voici quelques heures, mon capitaine, votre indifférence à la beauté des filles de la campagne. Vous prétendiez même qu'elles n'existent pas. Mon assurance m'a perdu. Lorsqu'on sait qu'on court à un péril, on se tient sur la défensive. Mais la confiance aveugle et imprudente nous livre à l'ennemi. Je m'attendais à quelques beautés rustiques, je trouve une déesse. Pouvais-je, surpris, démuni, sans armes, ne pas succomber? De ma vie, je n'ai rien contré de plus parfait, de plus divin. Oh, Rebolledo. Que ne donnerais-je pour la revoir? Nous possédons à la compagnie, mon capitaine, un garçon pourvu d'un merveilleux gosier. Et l'étincelle qui tient les jeux avec moi n'a pas sa pareille pour pousser le refrain. Ce soir, monsieur, nous organisons une aubade à Isabelle. On chante et on danse sous sa fenêtre. Il faudra bien qu'il y paraisse. Et vous aurez l'occasion de la revoir et de lui parler. Mais sans doute. Cependant, dans la paix et loge dans la maison de Crespo. Nous risquons de l'éveiller. L'éveiller, lui? Il ne dort jamais. Les douleurs de sa jambe le travaillent sans répit. En somme, que risquez-vous? Si la chose tourne mal, c'est nous qu'on accusera. Vous n'avez qu'à vous envelopper d'un manteau, personne ne vous aura reconnu. Il y a plus de difficulté à tout cela que tu ne penses. Mais la violence de ma passion l'emporte. Ah, ce soir donc. Bien entendu, Rebolledo, je demeure en dehors de vos arrangements. Je n'ai donné aucun ordre. Bien entendu, mon capitaine. Oh, Isabelle! Isabelle, quel tourment je souffre pour toi. Mais écoutez-moi! Oh! Allez, étincelle, étincelle! Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, rien, Rebolledo. Un pauvre diable que je viens d'égratigner. Et pourquoi que t'avais-t-il fait? Il trichait au jeu, le vaurien. Et il discutait le coup, père ou impair. Il mentait. Il s'imaginait que j'allais en démorte, que je le paierais. Non, j'ai de bons yeux et je ne cède pas au boniment. À la fin, fatigué d'user ma salive, je lui ai répondu avec cette langue-là. Quoi? Ton poignard? Oh, une simple estafilade à la joue. Il n'a pas insisté. Il a couru chez le barbier se faire panser. Mais nous rejoignons le corps de Gatte, je t'expliquerai le détail en route. En colère, toi, l'étincelle, quand je pète, moi, de contentement. L'un n'empêche pas l'autre et on a vite changé. Veux-tu que je chante? Non, réserve ta musique pour cette nuit. La gâche pas, on en aura besoin. Et maintenant, au corps de garde, tu leur raconteras la nicroche. Ah, l'étincelle, quelle femme tu es! On se souviendra de toi dans le régiment! Il compte bien, Rebolledo! Deuxième tableau. Une salle au rez-de-chaussée de la maison de Crespo. Des fenêtres, une porte donne sur un jardin. La nuit commence. Mettez la table près de la fenêtre, à l'endroit le plus frais. C'est ici, monsieur, que vous souperez le plus commodément. Au mois d'août, il faut profiter de l'air de la nuit. L'endroit me paraît fort agréable, en effet, avec cette ouverture sur le jardin. Un petit jardin pour le divertissement et le repos de ma fille. Asseyez-vous, monsieur. La brise joue dans les feuillages de la treille et des arbres, se marie au bruit de la fontaine, pareil à une cithare de perles et d'argent, dont l'eau chante sur les cailloux dorés. Excusez la simplicité de la musique, je n'ai pas d'autre instrument que ceci à vous faire entendre. Les oiseaux, dont les voix complètent le concert, se taisent la nuit, et ils n'obéissent pas à mes ordres. Asseyez-vous, monsieur, et oubliez un moment ces douleurs qui ne vous quittent jamais. Impossible, ça. Mes souffrances refusent de me laisser une heure de paix. Que Dieu m'assiste. Que Dieu vous assiste, amen. Et que le ciel m'accorde la patience. Asseyez-vous, Crespo. Je suis fort bien ainsi. Asseyez-vous, vous dis-je. Puisque vous m'y autorisez, monsieur, et l'exigez même, je le fais. Mais rien ne vous oblige à cette attention. Savez-vous à quoi je pense? Hier, sans doute, la colère vous avait mis hors de vous. Rien ne me met jamais hors de moi. Hier, pourtant, sans que je vous en ai prié, vous vous êtes assis et sur le meilleur siège. Précisément parce que vous ne m'en avez pas prié, monsieur. Aujourd'hui, où vous m'avez dit de m'asseoir, je m'en serais facilement dispensé. La courtoisie répond à la courtoisie. Et vous n'étiez hier, Crespo, que gronderie, jurement, imprécation. Et vous voici aujourd'hui l'homme le plus poli et le plus aimable. J'ai pour habitude, monsieur, de régler la lettre et le ton de mon langage sur le ton et la lettre du langage de mon interlocuteur. Je vous ai répondu hier de la manière même dont vous me parliez. Je sacre avec qui sacre et murmure avec celui qui ne hausse pas la voix. Je m'accorde exactement à chacun. Et je pousse à un tel point la sympathie, monsieur, que je n'ai pu dormir de toute la nuit. Je pensais à votre jambe. Oh. Au matin, de crainte d'erreur, je souffrais même des deux. Oh. Car je ne sais laquelle vous travaille, de la gauche ou de la droite. Renseignez-moi, je vous prie. Il suffit bien qu'une seule me donne des élancements. Deux, c'est trop. J'ai le droit de me plaindre et d'avoir mauvais caractère, Crespo. Depuis 30 ans, depuis ma première campagne dans les Flandres, je n'ai jamais cessé d'endurer les peines de la guerre, l'ardeur du soleil l'été, les gels de l'hiver. Jamais une journée de repos, un moment de tranquillité, de congé de la douleur. Que Dieu, monsieur, vous fournisse de patience. Ah, je me moque bien de la patience. Eh bien alors qu'il se dispense de vous en fournir. Et que tous les démons de l'enfer m'emportent, moi et ma patience avec. Ainsi soit-il. Mais que peut-on attendre de bon de l'enfer? Jésus. Oh, que Jésus nous vienne en aide à tous deux. Vive le Christ, c'est à mourir. Vive le Christ, la macabre. Voici la table. Et mes gens, pourquoi ne viennent-ils pas me servir? J'ai pris la liberté, monsieur, d'exempter vos gens de tout préparatif et de tout service. Je pense que chez moi, grâce à Dieu, vous ne manquerez de rien. Dans ce cas, ayez l'obligeance de demander à votre fille de me tenir compagnie. et de souper avec moi. Juan, va chercher ta sœur tout de suite. De ce côté-là, ma misérable santé écarte toute inquiétude et tout soupçon. Votre santé serait-elle, monsieur, aussi gaillarde que je le souhaite? Aucun soupçon, aucune inquiétude ne me tourmenterait pour autant. Vous mésestimez mon affection et mon respect. Quand j'ai ordonné à ma fille de se retirer là-haut, je n'avais d'autre dessein que de lui éviter d'entendre des propos oiseux, des impertinences. Si tous les soldats montraient autant de courtoisie que vous, j'aurais commandé qu'elle fût la première à les recevoir. Le vilain témoigne de beaucoup d'adresse ou de prudence. Que voulez-vous de moi, mon père? Le seigneur Dunlop et ma fille vous fait l'honneur de vous appeler. Je suis votre servante, monsieur. C'est moi qui veux vous servir. Belle et honnête en vérité, la fille de Crespo. Je vous prie à souper avec moi. Il conviendrait mieux que ma cousine Inès et moi-même vous servions à table. Non pas, non pas. Asseyez-vous. Asseyez-vous, Isabelle. Conformez-vous à la volonté de Dunlop. Je n'ai d'autre mérite que l'obéissance. Qu'est-ce ceci? Les soldats se promènent dans la rue. Nul ne supporterait les fatigues de la guerre si on lui laissait quelques libertés. Il faut parfois desserrer la contrainte et donner un peu de relâche et de délassement aux soldats. Malgré les fatigues et les contraintes, c'est une belle vie. Vous aimeriez l'amener? Oui, monsieur. Surtout si j'avais votre excellence comme parrain. Oui. Voici un bon endroit pour chanter. Oui, une sérénade à Isabelle. Et pour le cas où elle dormirait, jetons une pierre dans sa fenêtre. La musique s'adresse à une fenêtre bien déterminée. Patience. La fleur du romarin aux charmantes Isabelle et d'azur ce matin. La fleur du romarin aux charmantes Isabelle sera de miel demain. Isabelle, éveille-toi. Va pour la musique. Lui jeter des pierres contre la maison où je loge et lui donner la sérénade. De l'outrecuidance en vérité. Dissimulons pour Crespo et pour sa fille. Des folies, Crespo! Oui, des folies de jeunes garçons. Si ce n'était à cause d'un lopé, j'irais le. Il y a dans la chambre de Dunlop et pendu au mur une vieille rondache. Si je pouvais seulement aller la dépendre. Où vas-tu, Juan? Ordonnez qu'on apporte le souper. Inutile, on l'apportera sans toi. Isabelle, éveille-toi. Ouvre tes yeux à ma voix. Tes yeux et ta fenêtre, l'amour passe, éveille-toi. Il ne passe qu'une fois sous la même fenêtre. Tra-la-la, qu'ai-je fait, mon Dieu, pour excuser ceci? C'est trop fort, c'est intolérable, ça ne peut souffrir. Oui, intolérable. Contenons-nous. Jamais Dieu me donne cette jambe de m'a donné de tels élancements. Ah, il y a de quoi se mettre en colère. Mais c'est ce que je pensais à l'instant même. Comme vous avez renversé le siège, j'ai imaginé autre chose. J'avais renversé la table à portée de ma main, je n'ai rien trouvé d'autre que ce siège. Dissimulons mon honneur. Oh, si j'étais dans la rue. Et maintenant, retirez-vous, je n'ai plus l'intention de souper. À votre gré, monsieur. Dieu vous garde, mademoiselle. Dieu vous garde, monsieur. Ma chambre donne sur la rue et j'y ai vu une rondache. On peut sortir par la cour et je possède une vieille épée. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur. Du dehors, je fermerai la porte, mes enfants. Je voudrais bien qu'on laisse un peu cette maison tranquille. Oh, ciel, quel malheur. Chacun dissimule son souci à l'autre. Ils ont du mal à se donner le change. Et Juan, mon fils. Voici le chemin de ta chambre. Isabelle et d'azur ce matin. La fleur du romarin aux charmantes Isabelle sera de miel demain. Isabelle, éveille-toi, ouvre tes yeux à ma voix. Tes yeux et ta fenêtre, l'amour passe, éveille-toi. Il ne passe qu'une fois sous la même fenêtre. Tra-la-la, la-la-la, la-la-la-la, la-la-la. Troisième tableau. La rue devant la maison de Crespo la nuit. paraissent le capitaine, accompagné par le sergent, l'étincelle, réboyé d'eau, plusieurs soldats, dont deux ont des guitares. Ici, camarade. Ici, ça vaudra mieux. Il n'y a pas de meilleure place. Et que chacun y aille de bon cœur. Alors, on attaque. Tout de suite. Oh, me v'là mon affaire. La petite Mijaurée n'a pas seulement trouvé sa fenêtre. Et pourtant, ils ont dû nous entendre là-dedans. À un moment, ça finira bien par réussir. Et c'est nous, peut-être, s'il y a du grabuge, qui paierons les pots cassés. Oh, chut. Quelqu'un vient. Oh, un drôle de bonhomme. Une espèce de cavalier sans cheval avec un bouclier et une lance. Vois-tu quelque chose? Non, mais j'entends. Qui pourrait, ciel, souffrir ce que j'aurais dû? Moi, monsieur, moi. Isabelle ouvrira-t-elle sa fenêtre? Elle l'ouvrira. Non, plutôt, elle ne l'ouvrira pas. Eh bien, elle ne l'ouvrira pas. Jalousie, jalousie. Le plus cruel des tourments. Que ne puis-je les mettre en déroute, les tailler en pièces? Patience. Contenons-nous jusqu'à ce que je sache s'il y a de la faute d'Isabelle dans tout ceci. Puisque nous avons le temps, asseyons-nous. Bonne idée. Ainsi, on ne nous reconnaîtra pas. L'homme s'assied. On croirait à une âme en peine qui rôde la nuit en expiation de ses péchés et pousse des soupirs. Oh, tout à fait. Oh, une chanson maintenant. Une chanson nouvelle qui nous frette le sang. Vas-y, l'étincelle. On n'a jamais besoin de me prier. Avez-vous vu Sampaio, la fleur des Andalous, nul truand ne l'égale, n'en a des mauvais coups. Il a rencontré Don Sancho de Cadix. C'était... Par le diable, j'ai oublié quel jour c'était. Te trouble pas l'étincelle, un dimanche sûrement pour la rime. Merci, Reboyedo. C'était un beau dimanche, la veille d'un lundi. À cause d'une fille qui vaut pas de réo, les deux coqs de Séville ont tiré leurs couteaux. Sud-estoc et de taille, sud-taille et d'estoc. Don Lopé et Crespo fondent sur les soldats, sur Don Mendo et Nuno, ils les dispersent à grands coups d'épée. Suis-moi rien de taille et d'estoc. Ah, ils ont enfui comme des lièvres, les capons. Un seul a tenu bon. Le dernier là-bas s'obstine, le seul courageux. Qu'aucun ne s'en tirera pas sans plein ibos. Faudra bien que celui-là aussi vide le terrain. Allons, mon garçon, rejoignez les autres, vos camarades de déroute. Rejoignez-les vous-même, quoi. Vive Dieu, il a du cœur. Vive Dieu ne se montre pas manchot. Pourvu, mon Dieu, que je rattrape mon père. Ah, le voici, mon père, je suis à votre côté. Par le ciel, Pedro Crespo. Don Lope. Oh, Don Lope en personne. Vous m'aviez dit pourtant que vous ne sortiriez pas de votre maison, quelle étrange aventure. Et vous, monsieur, que pouvez-vous me reprocher? N'avez-vous pas agi exactement comme moi? L'offense était mienne, non pas vôtre. Je ne mentirai pas. Admettez donc, monsieur, que je sois sorti de ma maison pour vous tenir compagnie dans la bagarre. Revenons ensemble. Nous donnerons une leçon à ces paysans. Nous étions jusqu'au dernier. Attention, du calme. Capitaine, que signifie ce tapage? Ah, Don Lope. Il y a une querelle, monsieur. Quelques soldats prenaient l'air dans la rue, se divertissaient, chantaient, mais décemment, sans désordre. Une rixe, je ne sais trop pourquoi, a éclaté soudain. Je suis venu rétablir la paix. J'approuve votre prudence, capitaine, mais puisque le village se trouve en effervescence, je veux éviter les complications et le malheur. Le jour va bientôt se lever, je vous ordonne de rassembler votre compagnie et de la mettre en marche dans le plus bref délai possible. Elle ne doit pas demeurer plus longtemps à Salaméa. Et que ces agitations, ces disputes ne se renouvellent plus, sinon c'est moi-même qui rétablirai la discipline à grand coup d'épée. La compagnie, monsieur, partira ce matin. Oh, Isabelle, tu me coûteras la vie. Don Lope à la tête carrée, nous sommes faits pour nous entendre. Accompagnez-moi, Crespo, je préfère que vous ne restiez pas seul. Ta blessure a-t-elle quelque gravité, Nuno? Oh, moins grave, monsieur, elle le serait encore trop à mon goût. Je n'aime pas les Orients. De ma vie, je n'ai éprouvé tant de peine et de tristesse. Moi non plus, monsieur. Tous ces événements me jettent hors de moi. Quelle bataille! Leur férocité t'a frappé à la tête. Tout ce côté-là est copé. Qu'est-ce que c'est? La compagnie se rassemble pour le départ. Bénissons le ciel. Le capitaine loin d'ici, ma jalousie s'apaise. Dans le courant de la journée, ils auront tous décampé, les malotrus. Notez bien ceci, sergent. Au crépuscule, je vous attendrai à l'orée de la forêt, là-bas. Je veux naître à la vie aujourd'hui, au moment où meurt le soleil. Baissez la voix, mon capitaine. J'aperçois un visage du pays. Filons, sans qu'il se doute de mon inimitié. Et toi, Nuno, ne tremble pas. Montre la force de ton caractère. La famine, monsieur, ne nourrit pas le caractère. Moi, sergent, je reviendrai au village. J'ai par quelques cadeaux bien disposés à mon égard une servante. J'espère qu'elle me facilitera les choses et que je pourrai enfin parler à notre belle assassine. Oui, la servante favorisera mon dessein. Si vous retournez sur vos pas, mon capitaine, méfiez-vous de ces rustres en colère. Il vaudrait mieux ne pas vous aventurer sans protection. Mais j'y ai pensé. Vous m'accompagnerez avec quelques hommes. Bien, mon capitaine. Cependant, si Don Lope revenait lui aussi, s'il apprenait votre retour, ça sentirait mauvais. À aucun risque. Don Lope part aujourd'hui même pour Guadeloupe, où se groupe tout le régiment. Le roi s'y rend aussi, il est déjà en route. Ah, j'exécuterai donc vos ordres. Très exactement, j'y compte. Songez qu'il y va de ma vie. Vous devez une étreinte, mon capitaine. Et pourquoi, Riboyedo? Je vous apporte une fameuse nouvelle. Ah, laquelle? Vous voici débarrassé d'un ennemi. D'un ennemi? Oui, ce garçon, le frère d'Isabelle. Don Lope l'a demandé à son père qui le lui a donné. Il quitte Zalamea avec nous. Je l'ai rencontré, galant, vaillant. Il mêle en lui comme un arrière-goût campagnard et de promesses guerrières. De telle sorte que nous n'avons plus que le vieux sur le dos. Tout va bien. Espérons que la servante réussira et qu'elle m'obtiendra de sa maîtresse cette entrevue qu'elle m'a promise. Aucun doute. Je rebrousserai donc chemin. Maintenant, il faut que je rejoigne la troupe en marche. Vous m'accompagnerez ce soir tous les deux. Deux, mon capitaine, ça représente pas beaucoup de monde. Enfin, nous en valons quatre, et même six. Que vais-je devenir, Riboyedo, si tu m'abandonnes? Je cours grand péril. Le tricheur que j'ai envoyé hier se faire recoudre chez le barbier profitera de l'occasion pour se venger. En effet, l'étincelle, j'avais pas songé à cela. Dis-moi, aurais-tu le courage de me suivre la nuit prochaine? Pourquoi pas? Je ne manque ni de courage ni de témérité. Quant à l'habit... Ah, l'uniforme du page qui nous a lâchés l'autre jour tira comme un gant. Parfait, tout s'arrange. En route, l'étincelle, plus de retard. Rallions le drapeau. L'amour du soldat ne dure guère. L'amour du soldat meurt à la guerre. Adieu, ma belle. Le tambour bat, adieu ma belle, le tambour bat. Quatrième tableau, le crépuscule. Je vous dois à Crespo beaucoup de gratitude et pour bien des raisons. Mais surtout parce que vous m'avez confié votre fils. Je vous en remercie de tout mon cœur. Je vous l'ai donné comme serviteur fidèle. Et je le prends comme ami. Sa franchise, sa vivacité, son goût des armes m'ont inspiré une véritable inclination. Je vous appartiens à corps et âme, monsieur. Et vous pouvez compter sur ma pleine obéissance. Je vous supplie d'excuser en lui la gaucherie qu'il montrera sans doute dans son nouvel état. Il n'a fait que des études rustiques. Il n'a eu pour livre que la fourche, la charrue, la bêche, le fléau. Il n'a rien appris de ce qu'on enseigne aux écoles et au palais des villes. N'ayez pas d'inquiétude, Crespo. Mais le soleil va se coucher, la grande chaleur s'apaise. Faut que je me mette en chemin. Je vais voir si votre litière arrive. Ce n'est pas bien à vous, monsieur, de quitter Zalamea sans prendre congé de vos servantes. Je n'aurais pas donné le signal du départ, mademoiselle, sans vous avoir baisé les mains. Et maintenant, pardonnez-moi une audace très excusable. Ce n'est pas le don qui a du prix, mais le service qu'il reconnaît. Cette médaille fort simple est à peine digne de vous malgré quelques diamants qui la garnissent. Je vous prie de l'accepter et de la porter en souvenir de moi. Je pourrais prendre ombrage, monsieur, de cette médaille. Notre hospitalité ne demandait aucune récompense. Elle nous procurait assez d'honneur. Et vous demeuriez encore notre créancier. Ne considérez ceci ni comme une récompense, ni comme un dédommagement, mais comme un témoignage d'affection. Je ne l'accepte qu'à ce titre. Et je vous recommande mon frère, qui a le bonheur d'entrer à votre service. N'ayez pas de soucis, mademoiselle, il fait partie de ma maison. Voici la litière, monsieur. Que Dieu vous garde, Crespo. Que Dieu vous garde, monsieur. Ah, excellent, Crespo. Ah, invincible seigneur Don Lope. Qui nous eût dit, la première fois que nous nous sommes affrontés, que nous ferions une telle paire d'amis? Je l'aurais juré, monsieur, si j'avais pu deviner en vous voyant que vous êtes un... Allons, achevez. Un original d'un si grand cœur. Pendant que Don Lope s'occupe de ses derniers préparatifs, écoute-moi, mon fils, en présence de ta sœur et de ta cousine. Tu appartiens, grâce à Dieu, à une famille aussi pure que la lumière du soleil. Mais roturière, je te rappelle l'une et l'autre chose. D'abord, afin que tu ne te déprécies pas toi-même, que tu n'humilies pas ton juste orgueil et ton ambition légitime, que tu ne renonces pas découragé d'avance à t'élever par d'honnêtes efforts au-dessus de ta condition. En second lieu, pour que tu considères toujours exactement ce que tu es. Pratique donc, mon fils, à la fois les vertus de dignité et de modestie. Évite les chimères de l'orgueil. Beaucoup de défauts se rachètent par la modestie et beaucoup de qualités se ruinent par l'orgueil. Conduis-toi d'une manière courtoise et généreuse. Un peu de libéralité et quelques coups de chapeau font beaucoup d'amis. Tout l'or de la terre compte peu auprès de la sympathie qu'on inspire. Ne parle jamais mal des femmes. La plus humble mérite le respect. Ta mère était une femme. Ne te bats pas pour des vities. Les maîtres d'armes ne devraient pas seulement enseigner à croiser adroitement le fer, mais plutôt à juger des motifs valables de se battre. Voici donc, mon fils, mes conseils. Et une bourse honorablement garnie qui couvrira tes frais de voyage et d'habillement. Avec la protection du Seigneur dans l'opé et ma bénédiction paternelle, je t'estime pourvu de ce qu'il faut pour te maintenir et t'élever dans le monde. Adieu, mon enfant. Séparons-nous, car je vais m'attendrir. Mon père, je grave vos paroles au fond de mon cœur. Je ne les oublierai jamais. Je baise vos mains. Et toi, ma sœur, embrasse-moi. Donne l'op et part, je le rattrape. Mes bras, Juan, voudraient te retenir ici. Adieu, cousine Inès. Je n'ai pas la force de te parler. Mes yeux remplacent ma voix. Adieu, Juan. Ne perds pas de temps, mon fils. Chaque minute de ta présence augmente mon regret de te perdre. Que le ciel nous protège tous. Que Dieu te bénisse. Quelle cruauté, mon père, de l'avoir donné à Don Lope. Ma tristesse s'allège depuis que je ne le vois plus là devant mes yeux. Et je mal agis en le confiant à Don Lope. Peut-être en restant à Zalamea aurait-il gâché sa vie. Non, qu'il serve le roi, cela vaut mieux. Et il nous quitte à la tombée de la nuit. Ça augmente ma tristesse. Ne te chagrine pas, Isabelle. Rien de plus agréable qu'une belle nuit d'été pour voyager. On y éprouve plus de plaisir que de fatigue. J'ai beau vouloir faire le brave, le cœur me manque. Rentrons à la maison, mon père. Le village tranquille, débarrassé de la troupe, qui nous empêche de profiter de la brise et de la fraîcheur du soir? Les voisins vont venir aussi s'asseoir devant leur porte. En vérité, je n'ai pas grande envie, moi non plus, de rentrer. D'ici, je vois la route blanche. J'imagine Juan. Inès, va me chercher un siège. Voici un petit banc. Ce soir, mon père, le conseil du village nomme ses magistrats. Ah oui, ce soir. Ces élections ont toujours lieu au mois d'août. Sont assis devant la maison Crespo, Isabelle et Inès. Paraissent enveloppés dans des manteaux qui dissimulent leur visage, le capitaine, le sergent, Rebolledo, l'étincelle habillée en page, deux ou trois soldats. Pas de bruit. Approchons doucement. Toi, Rebolledo, glisse-toi dans la maison. Avertis la servante que je suis ici. J'y vais, mon capitaine. Mais voyez, il y a du monde devant la porte. La lune les éclaire. Je crois distinguer Isabelle. Oui, c'est elle. Je n'ai pas besoin de clair de lune, mon cœur me le dit. Nous arrivons à propos. Courage! Voici l'occasion la plus favorable. Puis-je risquer un avis, mon capitaine? Qu'ai-je à faire de vos avis, sergent? Ce n'est plus l'heure. Agissez comme vous voulez. Je m'en lave les mains. Je m'élance hardiment, j'enlève Isabelle. Vous, vous formez barrage, l'épée à la main. Vous empêchez qu'on me poursuive. Nous vous avons accompagné, nous exécutons vos ordres. Oh, cependant, pas d'histoire. Rendez-vous à l'orée du bois, à droite du chemin. Hé! L'étincelle! Quoi, Rebolledo? Garde les manteaux. Est-ce donc la mode de se déshabiller pour combattre comme pour se jeter à la rivière? Attention! Je marche en tête. Nous avons assez joui de la fraîcheur. Rentrons, mes filles. À moi, mes amis. En avant! Lâche, coureur! L'amour! Le délire! J'ai profité de ce que je tombe sans arme! Tu passeras! Infâme! Misérable! Non, pas du simagré! Débine-toi ou tu es mort! Oh, qu'importe, mon honneur assassiné! Pourquoi vivre? Une épée! Oh, si j'avais une épée! Impossible de les poursuivre les mains nues! Et si je vais chercher une épée, je les perds de vue! À quoi se résoudre? De tous les côtés, quoi que je fasse, le danger, le malheur. Voici votre épée, tenez, tenez, la voici. Je me la porte à la bonne heure, Inès. Maintenant, mon honneur armé, je m'élance à leur poursuite. Cinquième tableau, la campagne, la nuit. Lâchez votre proie. Trait, coureur. Trait, je vous lâcherai au prix de la vie. Tu es seul, nous sommes en nombre. Pour toi, rien à espérer. Mes malheurs sont en nombre, ils combattent pour moi. Ah oh, disgrâce, j'ai trébuché. Tuons-le. Voyons, pitié de l'homme. Lui enlever l'honneur et la vie à la fois, ça me paraît dur. Non, nous allons le lier solidement et le cacher dans le bois. Ainsi, rien à craindre. Il ne donnera pas l'alarme. Allez, allez. Isabelle... Ma fille... La voilà ficelée. Et emportons-le, comme a dit le sergent. Ma fille... Isabelle... Mes cris seuls t'atteignent. Malheur à moi. C'est voix désespérée. Malheur à moi. Ces gémissements de mort, la lisière de la forêt, mon cheval a glissé, s'est abattu. Ces cris, ces implorations, la distance, les étouffent. Il me semble connaître ses voix et, indistinctes, je n'ose affirmer que je les reconnais. Deux infortunes réclament le secours de mon courage. D'une part, une voix d'homme, de l'autre, une voix de femme. Je me conformerai au conseil de mon père, ne combattre que pour un motif grave et honorer les femmes. Ainsi, je me dirige d'abord du côté où m'appelle cette voix de femme, en péril de mort. Troisième journée, premier tableau. Une forêt à l'aube. Crespo est attaché à un arbre. Isabelle, égarée, arrive. Elle ne voit d'abord pas son père. Le jour se lève peu à peu. Que la lumière ne paraisse jamais à mes yeux. Je ne veux pas qu'elle éclaire ma honte. Étoile de la nuit, ne cédez pas à l'aurore. Soleil, ne paraît pas. Demeure ensevelie quelques heures encore derrière les montagnes. Dans la mer profonde, atroce forfait, noire violence, malheur à moi. Et où fuir? Où me cacher? Qu'entreprendre? Et le soleil ne m'entend pas. Ses rayons pénètrent la forêt. Nul refuge. Mon honneur souillé, ineffaçablement souillé, aurais-je le courage de rentrer dans la maison de mon père? Et si je n'y rentre pas, que croira-t-on? Que j'ai consenti à la violence? Mon égarement, mon innocence même donneront des armes à la calomnie. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû m'échapper des mains de mon frère. Que sa colère m'eût frappé, qu'y aurais-je perdu? Rien. Ah, je le chercherai. Je le retrouverai. Je courais à lui afin qu'il me décharge du poids insupportable de la vie. Tuez-moi de grâce. C'est pitié, charité, d'ôter le souffle à un malheureux. Cette voix. Ces plaintes. Tuez-moi par pitié. Oh ciel! Celui-là aussi appelle la mort. Un autre désespéré que la vie accable. J'implore la compassion. Si votre cœur n'est pas de pierre, arrachez-moi mon destin. Cet homme lié à un chêne. Mon père! Mon père! Isabelle, toi, ma fille, approche. Ne tremble pas ainsi. Débarrasse-moi de ces cordes. Je n'ose pas, mon père. J'ai peur de vous. De vos mains libres quand je vous aurai dit ma honte. Silence, Isabelle. Tais-toi. Certains malheurs n'ont pas besoin d'être comptés. Détache-moi. Ils m'ont enlevé, mon père. De votre maison. De votre porte. Le capitaine. L'ingrat. Le traître. M'ont emporté de force. Comment résister? Ils m'ont emporté de force dans la forêt. J'ai entendu votre voix, vos appels. Et puis, la distance les a éteints. Seul, mon père, je me trouvais seul dans la forêt, dans la nuit, sans protection, sans défense. Seul, avec cet homme infâme. Oh, malheur à celui qui tente d'obtenir un cœur, un corps par la violence. Il ne possède qu'un cadavre. J'ai supplié, mon père. J'ai crié. J'ai employé la prière, l'insulte, l'orgueil, la soumission. Moyens inutiles, larmes et injures vaines. Implacable, cruel, exaspéré, il n'a rien entendu. Et voyez, mon père, je cache mon visage. Je tords mes mains. Je déchire ma poitrine. Nuit horrible, nuit mortelle. Et puis, l'aube a pointé. Et Juan, mon frère, guidé par mes cris, par je ne sais quel instinct, a paru l'épée au poing. Trop tard, hélas. Le combat s'engage. Incapable d'affronter le regard de mon frère et d'essayer de me justifier devant lui, je prends la fuite. De loin, cependant, à travers les feuillages, je vois l'issue du combat furieux et bref. Le capitaine tombe, blessé. Au moment où Juan allait l'achever, les soldats surviennent, portent secours à leur chef. Devant le nombre, votre fils ne peut que se dérober. Nul ne songe à le poursuivre. Les soldats conduisent leur officier du côté du village. Et moi, aveugle, égaré, désespéré, j'ai couru à travers le bois, hors de moi-même, jusqu'ici. À vos pieds, mon père. Détache-moi, Isabelle. J'obéis. Il faut obéir. Et maintenant, frappez-moi de votre épée. Étranglez-moi de ces cordes. Si la mort de votre fille peut ressusciter votre honneur. Lève-toi, Isabelle, ne reste pas agenouillée. Sans ces événements funestes, ces afflictions soudaines, nous n'aurions pas de mesure pour le prix de ce qu'a été le bonheur. Ces infortunes, conditions de l'homme, il faut les graver profondément dans son âme. Allons, Isabelle, rentrons à la mer, à la maison. Juan court maintenant de grands périls. Il s'agit de faire diligence et de le sauver. Ce calme de mon père, est-ce prudence, sagesse ou dissimulation? Vive Dieu! Si la nécessité, si la gravité de son état ont obligé le capitaine à revenir au village afin de s'y faire panser, il aurait mieux valu pour lui mourir dans le bois de sa blessure. Celle que je lui réserve ne pardonne pas. Allons, Isabelle. Nous n'avons pas de temps à perdre. Deuxième tableau. Une rue à l'entrée de Zalamea. Je me rendais chez vous, Pedro Crespo, dès le matin pour vous annoncer une grande, une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle, greffier, laquelle? Le conseil de Zalamea vous a nommé alcalde cette nuit. Et vous avez, pour étrenner votre charge, deux affaires d'importance. D'abord, l'arrivée du roi qu'on annonce imminente, aujourd'hui même ou dans la journée de demain. En second lieu, des soldats viennent d'amener en secret au village le capitaine qui commande la compagnie que nous avons hébergée. Il a reçu un coup d'épée cette nuit. De qui le capitaine refuse de le dire, voilà le mystère à élucider. Ah, vous avez de la chance, Pedro Crespo, vous débutez par deux affaires mémorables. Voici la maison, là où l'on soigne le capitaine. Ciel. Au moment même de ma vengeance, on me met entre mes mains la verge de la justice. On me rend juge de mon honneur. Comment enfreindre les lois lorsque j'ai pour mission de les faire respecter par les autres? Comment... Mais j'ai besoin de réfléchir plus longuement à tout ceci. Je suis extrêmement reconnaissant au conseil de la confiance qu'il me témoigne. Accompagnez-moi à la maison commune, vous y recevrez l'insigne de vos fonctions, la verge noire à pomme d'ivoire. Et vous pourrez commencer immédiatement l'enquête sur l'attentat contre le capitaine. Je vous suis, greffier. Toi, Isabelle, rentre à la maison. Dieu me protège. Seul, j'ai peur. J'ai besoin de votre assistance. Tu as pour père, ma fille, un alcade. Il t'assurera une juste réparation. Troisième tableau. La chambre où l'on soigne le capitaine. Pour une blessure de rien du tout, vous me ramenez à Zalamea. Cela n'a pas de raison. Pouvions-nous savoir, mon capitaine? Le sang coulait fort. Il fallait d'abord l'arrêter. Nous avons craint le pire. Nous voilà rassurés maintenant. Plus de peur que de mal. Et il ne s'agit pas d'exposer votre vie pour une piqûre. Enfin, ce qui est fait est fait. Ce pansement ne me gêne guère. Ne nous attardons pas ici. Décampons avant qu'on ait appris notre retour. Où se trouvent les autres? À côté. Bon. Rassemblement et départ immédiat. Je n'ai pas envie d'en venir aux mains des rustres excités. À vos ordres, mon capitaine. Attention! Garons-nous! La justice arrive! Je m'en moque! La justice civile ne possède aucun pouvoir sur moi, officier de sa majesté. Possible, mon capitaine, mais ça n'empêche pas d'arriver. Tant mieux, peut-être. Elle nous protégera de la fureur des villageois, et n'ayant pas qualité pour me juger, il faudra bien qu'elle me remette aux mains de l'autorité militaire du conseil de guerre. Là, bien que mon cas ne soit pas trop clair, je me tirerai d'affaire. Le bonhomme de père a dû porter plainte. C'est probable. Gardez toutes les issues, qu'aucun soldat ne sorte de la maison. Et si quelqu'un l'essaye, assommez-le. Crespo entre, il tient à la main la verge de justice, le bâton noir à pomme d'ivoire. Des paysans l'accompagnent. Comment? Qui vous a permis d'entrer? Mais qu'est ceci, notre malotru alcade? Avons-nous besoin, nous, la justice, d'une permission pour entrer? Votre justice, et vous ne la représentez pas depuis longtemps, n'exerce aucun droit sur ma personne. Ne vous fâchez pas, monsieur. Je ne viens que pour tenter auprès de vous, et avec votre agrément, une démarche pour laquelle il importe que nous demeurions en tête à tête. Rebayado, et vous, sergent, laissez-nous seuls puisqu'il y tient. Bien, mon capitaine. Sortez aussi, vous autres. Surveillez les soldats, greffiers, qu'ils ne nous échappent pas. Comptez sur moi. Je me suis servi de ma fonction, monsieur, et de la dignité qu'elle confère, pour vous obliger à m'entendre. Ceci obtenu, je n'ai plus besoin d'elle. Je dépose donc mon insigne. Un homme vous parle. Rien de plus qu'un homme. Et il vous dit sa douleur. Nous nous trouvons seuls, monsieur, face à face. Expliquons-nous avec clarté. Sans laisser toutefois les sentiments profonds enfouis au fond du cœur, briser les prisons du silence. Je suis un homme de bien. Si l'on m'avait laissé le choix de ma naissance, je l'eusse voulu sans défaut qui puisse contrister mon orgueil. Cependant, mes égaux me traitent avec respect. Le conseil de la commune me tient en estime et considération. Je possède un patrimoine très suffisant. Je passe même pour le paysan le plus riche du pays. J'ai élevé ma fille dans la modestie, la décence et la vertu. Elle a eu pour modèle et exemple sa défunte mère, que Dieu ait son âme. Comme preuve de ce que j'avance, monsieur, constatez que riche, nul ne dit du mal de moi, et que sans vanité me tenant à mon rang, personne ne se risquerait cependant à me manquer. Nous vivons dans un cercle étroit ici, où chacun connaît les défauts et les faiblesses des autres. Et on ne se contente pas de les connaître, on les publie. Quant à la beauté de ma fille, les extrémités même où elle vous a porté, en témoignent suffisamment. Et mes larmes, mon humiliation, mon infortune. Mais n'épuisons pas d'une fois tout le poison de la coupe. N'essayez pas de compter uniquement sur le temps, monsieur, pour arranger les affaires. Mettons-y un peu d'une autre. Si je pouvais maîtriser ma douleur, l'ensevelir dans le secret de moi-même, je n'en serais pas arrivé où j'en suis. Certes, je préférerais garder mon malheur muet, sans voix. Un si cruel outrage ne peut demeurer sans réparation, car la vengeance ne constitue pas une réparation suffisante. et avisant les divers partis possibles, je n'en vois qu'un qui me convienne, et qui vous convienne. Prenez, monsieur, tout mon bien. Mon fils et moi, nous ne garderons rien pour notre subsistance. Lui-même, il vous suppliera d'accepter ce que je vous propose. Nous irons ensuite, s'il le faut, tendre la main sur les routes. Si ce prix ne vous contente pas, vendez-nous comme esclaves. Ajoutez ce peu que nous valons à la dot d'Isabelle. Rétablissez notre honneur que vous avez ruiné. Ce que vos enfants perdront d'un côté, en m'ayant pour aïeul, ils leur gagneront amplement de l'autre, puisqu'ils vous auront pour père. Le proverbe castillan le dit, c'est le cheval qui porte la selle, et nul ne l'a jamais contesté. Je m'agenouille devant vous, monsieur. Voyez mes larmes, mes cheveux blancs. De vous, j'implore la restitution de cet honneur que vous m'avez dérobé. Quoi qu'il m'appartienne, je vous le demande très humblement, comme une aumône, comme le don de ce que vous détiendriez légitimement. Songez, monsieur, que je pourrais le reprendre de force, et que je consens à le recevoir de vous, ainsi qu'une libéralité. Oh, l'ennuyeux vieillard! Et quelle longueur de discours! Rendez-moi plutôt grâce! J'ai épargné votre vie et celle de votre fils. J'aurais pu vous tuer. Vous ne les devez, ces deux vies, qu'à la beauté d'Isabelle. Enfin, si vous tenez tellement à venger votre honneur. Je vous accorde une réparation par les armes et je n'ai pas grand-chose à craindre de vous. Pour le reste, pour la question de procédure, vous n'avez pas juridiction sur moi. Vous vous refusez donc à toute pitié. Mes larmes vous laissent insensible. L'arme de vieillard, de femme et d'enfant ne mérite aucune créance. Une si profonde douleur ne vous touche pas. Et que voulez-vous de plus? Vous ai-je pas laissé la vie? Considérez que prosterné devant vous, je vous conjure de me rendre mon honneur. Oh, assez, assez, ne m'accablez pas. Songez aussi qu'on m'a nommé alcalde. Vous le répète, vous n'avez sûrement aucun pouvoir. Officier, le conseil de guerre me réclamera. Vous avez bien pesé votre résolution. Oh, l'insupportable, l'intarissable barbon, oui, j'ai tout pesé. Il n'y a donc plus de remède. Si, un seul. Vous taire. Aucun autre. Aucun. Eh bien, par Dieu, je jure que vous me le paierez cher. Voilà, vous autres. Nous voici, Pedro Crespo. Que veulent donc tous ces Russes? Crespo, que nous commandez-vous? D'arrêter le capitaine. M'arrêter? Moi? Officier au service de Sa Majesté, vous n'y pensez pas? Oui, j'y pense. Vous ne sortirez d'ici que prisonnier ou mort. Quelle extravagance! Arrêtez un capitaine en activité. Et moi, me prendriez-vous pour un alcalde à la retraite? Rendez-vous, monsieur, sans plus de délai. Je cède donc au nombre, à la force. Mais je me plaindrai au roi de cet arbitraire, de cet outrage. Moi aussi, je me plaindrai de l'outrage. Le roi ne se trouve pas loin, il nous entendra tous les deux. Votre épée, monsieur. Mon épée? Aucune raison de la remettre. Si, monsieur, une excellente raison. Vous êtes mon prisonnier. Soit. Mais je ne tolérerai pas qu'on me manque de respect. Ne craignez rien, monsieur. Menez-le avec respect à la maison commune. Mettez-lui les fers aux pieds, avec respect. Et enchaînez-le. Veillez avec respect qu'il ne parle à aucun des soldats qui l'accompagnent. Et que vous enfermerez aussi dans la prison. En attendant que nous sollicitions d'eux, toujours avec respect, leur déclaration et témoignage. Et ceci tout à fait entre nous, capitaine. S'il y a matière à condamnation, faites encore avec le plus grand respect, je le jure, que j'aurai l'honneur de vous faire pendre. Ah ! Quand les vilains ont le pouvoir. Les paysans emmènent le capitaine. Le sergent disparu, les autres envolés. Nous n'avons pu appréhender et tenir que ce soldat et ce page. Ah, voilà le gaillard qui chante si bien. Un bon collier de chanvre autour du gosier lui coupera le sifflet. Est-ce donc un crime de chanter, monsieur? Non, pas, mon ami. Mais sur le chevalet, tu chanteras mieux encore. Allons, parle, la vérité. Sur quoi? Sur les événements de cette nuit. Interrogez votre fille, elle le sait mieux que moi. Tu as donc envie de mourir? Oh, ne te laisse pas intimider, Reboyedo. Nous n'avons participé à rien, ni hardiment, tiens bon. Et je chanterai pour toi mon plus beau refrain. Ah, vous, le page, nous saurons aussi vous faire chanter. À moi, monsieur? Vous n'avez pas le droit de donner la question. Et pourquoi donc? Qui vous en dispense? La coutume et la loi. Et le motif de cette faveur? Un motif indiscutable. Lequel? Je suis enceinte, monsieur. Enceinte? Ne vous moquez pas de moi. Paierai cher votre impudence. Enceinte, vous, un page porte-lance. Oh non, pas porte-lance, monsieur, porte-fourreau plutôt. Assez de plaisanterie. J'attends vos dépositions. Nous dirons tout ce que nous savons, et plus encore, pourvu qu'on nous laisse la vie. Seule la franchise totale peut vous épargner la torture. Oh, j'ai pas besoin d'elle pour chanter. Si me tourmenter... À moi que me frontir... Qu'est-ce que vous murmurez entre vos dents? Nous préludons, monsieur, nous préludons à la musique. Quatrième tableau, la maison de Crespo. J'ai frappé le traître et j'ai fui. L'arrivée des soldats m'y obligeait. J'ai erré longtemps dans l'épaisseur du bois à la recherche de ma sœur. Impossible de retrouver sa trace. Alors je reviens ici, à Zalamea, à la maison de mon père. Je lui raconterai tout. Il me conseillera. Que faire, mon Dieu, pour sauvegarder ma vie et mon honneur? Domine ton désespoir, Isabelle. Vivre dans une si profonde, si noire affliction, c'est plutôt mourir. Peu importe. Ne vois-tu pas, Inès, que j'ai horreur de la vie? Oui. Je raconterai tout à mon père. Ah, Isabelle! Oh, Juan, que fais-tu? Que veux-tu, frère? Me venger de l'état où tu as mis ma vie et mon honneur. Écoute, Juan, écoute! Non, non, tu n'échapperas pas! Oh. Qu'y a-t-il? Je tire satisfaction d'une injure, je lave mon offense, je châtie... Assez, mon fils, assez! Quelle folie, quelle témérité de venir! Quoi, mon père? Vous tenez en main le bâton d'alcade. Quelle témérité de venir se présenter devant moi pour avoir cette nuit blessé un capitaine dans la forêt. Je l'ai frappé pour la cause la plus honorable, pour la défense de votre renommée. Assez, je vous rassure, t'ai-je dit. Oh là, vous entre, empérez-vous de lui. Vous m'arrêtez, moi, votre fils, vous me traitez avec une rigueur dont j'aurais usé envers mon propre père. Ainsi je le protège, je le sauve peut-être de la mort, et je donne aux hommes la plus rare opinion de ma justice. Entendez-moi, mon père, j'ai puni un félon et je voulais tuer ensuite ma sœur. Je sais, Juan, mais il ne suffit pas que je le sache en tant que moi-même. Il faut que je le sache en tant qu'Alcal. Je vais donc procéder à l'information de l'affaire. Tant qu'il existe un soupçon de crime contre toi, je te tiens prisonnier. J'établirai aisément son innocence. Je comprends mal vos intentions, elle vous a... Qui combat pour votre honneur souillé, vous jetez en prison, mais celle qui l'a mis à sa perte, vous la gardez près de vous. Isabelle, viens signer la plainte que tu portes contre l'homme qui t'a outragé. Moi? Signer une plainte? Et vous vouliez, mon père, cacher le mieux possible cette offense qui nous coûte tant de larmes. Et maintenant, vous allez la publier? Si vous ne pouvez la venger, du moins taisez-la. Je me déclare seul juge des moyens de réparer le mal qu'a souffert ma réputation. Si tu ne cèdes pas à ma prière, Isabelle, j'ai le pouvoir de te contraindre à faire ce que j'ai décidé. Halte! Halte! Une litière s'arrête devant ma maison? Qui donc peut vouloir aujourd'hui... Bonjour, Pedro Crespo, c'est moi. À la moitié de l'étape, j'ai dû rebrousser chemin. J'en viens ici. Ce qui a mes appels... Une histoire qui m'ennuie terriblement. À Zalamea, je ne pouvais descendre ailleurs que chez vous, mon grand ami. Dieu soit loué, vous ne négligez pas une occasion de m'obliger. Votre fils, qui devait me rejoindre, nous ne l'avons pas vu là-bas. J'apprendrai bientôt, monsieur, pour quelle raison. Quant à celle de votre retour, vous m'accorderez peut-être l'extrême faveur de me la dire. Vous paraissez d'humeur chagrine. Ah, y a de quoi ? Insolence inimaginable, une extravagance inouïe. Un soldat m'a rattrapé en route et m'a compté tout... Par le diable, la colère m'étrangle. Je vous prie. M'a compté, dis-je, qu'un méchant petit alcalde du pays aurait jeté en prison un capitaine. Aïe, vive Dieu, cette dernière jambe. Elle m'a jamais lancinée plus cruellement, elle m'a empêché d'arriver plus vite. Elle a retardé le châtiment de l'alcalde sans vergogne. Par le Christ, il mourra sous une volée de coups de bâton. S'il se la laisse donner... J'ai peur, dans la paix, que vous ne soyez revenu en vain. Quoi qu'il en soit, il faudra bien qu'il la reçoive. Je ne crois pas. On vous a mal informé, dans la paix. Il faut envoyer. Savez-vous pourquoi l'alcade a arrêté votre capitaine? Je l'ignore. En tout cas, la partie plaignante n'avait qu'à s'adresser à moi. Me juge-t-on incapable, si la circonstance l'exige, de faire tomber une tête aussi bien qu'une autre? Je me demande, monsieur, si vous saisissez en quoi consiste la fonction ordinaire de l'alcade dans son village. Un alcade n'est jamais qu'un roturier, un vilain. Mais un vilain parfois si résolu que s'il se met dans le crâne l'idée de condamner un capitaine à la mort par le garrot, rien ne pourra la lui ôter. Par Dieu, on lui ôtera cette idée du crâne. Mais si vous voulez assister à l'épreuve, dites-moi donc où loge cet alcade. Non loin d'ici, monsieur. Et comment se nomme-t-il ? Pedro Crespo. Vive Dieu, je le supposais. Vive Dieu, je ne mens pas. Eh bien, Crespo, ce qui est dit est dit. Eh bien, monsieur, ce qui est fait est fait. Je viens délivrer le prisonnier et réprimer l'abus de pouvoir. Et moi, je maintiens l'homme en prison, en raison de son crime. Oubliez-vous qu'il appartient au service du roi et qu'il n'a que moi pour juge? Oubliez-vous qu'il a enlevé de force ma fille de ma maison? Savez-vous que cette affaire ne dépend que de ma compétence? Savez-vous qu'il a lâchement souillé mon honneur dans la forêt? Savez-vous l'étendue des droits que me donne la charge que j'assume? Savez-vous que je l'ai supplié et qu'il a refusé toute réparation? Vous revendiquez contre toute évidence un pouvoir que vous n'avez pas! Avait-il donc pouvoir de m'atteindre dans mon honneur? Je vous jure que j'obtiendrai satisfaction. J'ai jamais demandé à personne de faire ce que je peux faire moi-même. Je délivrerai le prisonnier, je ne faillirai pas à cet engagement. En attendant, j'ai achevé moi l'instruction du procès. L'instruction du procès? Oui. Des morceaux de papier assemblés un à un. Toutes les pièces de l'enquête. J'irai à la prison. J'en arracherai mon officier. Allez. Je ne puis vous en empêcher. Seulement, je vous avertis. Vous risquez l'arquebusade. Mes hommes ont ordre de tirer. J'ai l'habitude des balles. Je ne les crains pas. Mais aujourd'hui, dans de telles circonstances, n'aventurons rien. Vous, mon garçon, transmettez mon ordre et au plus vite. Que toutes les compagnies en marche se rabattent sans délai sur Salamea, en ordre de bataille, les armes chargées, les mèches en place. Inutile, monsieur, d'alerter les troupes. Les compagnies ont appris les événements de cette nuit. Elles viennent d'elles-mêmes. Eh bien, vive Dieu, nous allons voir si l'on nous rendra, oui ou non, le prisonnier. Auparavant, vive Dieu, j'aurai accompli ce que je dois. Cinquième tableau. Une place devant la prison. Voici la prison, soldats. Vous nous enfermez le capitaine. Si on ne nous le rend pas sur le champ, mettez-y le feu. Incendiez-la. Et si les villageois font mine de résister, brûlez le village. Même s'ils brûlent la prison, ils ne le délivreront pas. À mort, les villageois! À mort! N'ayez pas peur des soldats. Courage, mes amis. Les villageois reçoivent du renfort. En avant, soldats! Enfoncez les portes de la prison! D'un côté de la place se précipitent Don Lopé et les soldats, de l'autre entre le roi et sa suite, Crespo et les paysans. Qu'y a-t-il donc? J'arrive au milieu du vacarme? La plus grande présomption, sire, que le monde ait jamais vu chez un vilain. Vive Dieu, si votre majesté n'avait pas cheminé à une si grande vitesse, les feux et l'illumination de l'incendie l'eussent accueilli à Salamea. Que se passe-t-il? Un alcade ose arrêter un capitaine. J'accours. Je réclame mon officier. On s'obstine à ne pas le rendre. Qui est cet alcade? Moi-même, sire. Qu'avez-vous à présenter pour votre justification? Ces papiers, sire, cette procédure. Elle prouve clairement le crime. Un crime passible de la peine de mort. Rape d'une jeune fille. Viol dans un lieu désert où le ravisseur l'a traîné. Et malgré les supplications du père, il refuse de réparer l'attentat d'épouser sa victime. Voici, sire, à la fois l'alcade et le père, dans le même homme. Peu importe, sire, que ce soit le même homme. Si un étranger m'adresse une plainte, ne lui dois-je pas la justice? Ne puis-je donc faire pour ma fille ce que j'accorderais à un étranger? D'autant plus que je n'ai pas hésité à jeter en prison mon propre fils. Le sang ne m'a dicté aucune mesure particulière. Je traite mes enfants comme s'ils ne m'étaient rien. Vérifiez, sire, les pièces de la procédure. Si j'ai commis la moindre faute, si j'ai déformé un témoignage, ajouté ou retouché aux dépositions, qu'on me donne la mort, je l'accepte. Tout ceci, en effet, me paraît régulier et honnêtement jugé. Mais pour l'exécution de la sentence, vous n'avez pas autorité. Elle dépend d'une autre juridiction que la vôtre. Livrez donc le prisonnier. J'aurai de la peine, sire, à obéir à votre ordre. Nous achevons tout ici en une seule audience. Nous rendons le jugement et aussitôt nous l'exécutons. C'est le cas de cette sentence-ci. Que dites-vous? La vérité, sire, l'exacte vérité. Vos yeux vous en convaincront que votre majesté daigne seulement regarder. Crespo fait un signe, la porte de la prison s'ouvre, on aperçoit sur un tabouret le cadavre d'un homme à qui on a infligé le supplice du garrot. Ainsi, vous avez eu l'audace de... Vous avez, sire, approuvé vous-même le jugement. pourquoi nous reprocheriez-vous son exécution? Vous n'aviez pas le droit d'y procéder vous-même. Cela dépasse vos attributions. Toute votre justice, sire, ne constitue qu'un seul corps. Si ce corps possède un grand nombre de mains, qu'importe que ce soit l'une ou l'autre qui punisse. Qu'importe aussi une irrégularité légère dans ce qui se trouve pleinement fondé. Admettons ce sur quoi on ne peut plus revenir. Mais pourquoi avez-vous garrotté le capitaine? Gentilhomme, il avait droit à la décapitation. Vos gentilshommes, sire, se conduisent ici d'une façon si honorable que notre bourreau a négligé d'apprendre à trancher les têtes. Il ne sait que garrotter. Du reste, en cette affaire, le seul qui puisse se plaindre, c'est le mort. Attendons sa réclamation. Dunlop, puisque nous n'avons pas le moyen de ressusciter le cadavre et que nous approuvons le jugement comme juste et régulier, puisque, d'autre part, une irrégularité légère ne saurait détruire ce qui se trouve fondé pleinement, liquidons cette affaire. Que les troupes se mettent immédiatement en marche. Ne nous attardons pas, j'ai hâte d'arriver au Portugal. Vous, je vous nomme alcade de Zalamea à perpétuité. Personne, sire, n'honore mieux la justice que vous. Vous avez eu de la chance, Crespo. Remerciez Dieu de la venue attendre sa majesté. Même si le roi n'était pas venu, il n'y avait plus de remède. Pourquoi ne m'avoir pas fait confiance? Vous m'auriez remis le prisonnier, je l'aurais bien contraint à la réparation de l'honneur de votre fille. Isabelle entrera au couvent qu'elle a choisi. Son époux ne regarde pas à la naissance. Maintenant, rendez-moi les autres prisonniers. Greffier, qu'on les libère à l'instant. À vos ordres, alcade. Il manque votre fils. Comme soldat, il dépend de moi, vous ne pouvez le garder. Je veux le punir de son audace et d'avoir blessé son capitaine. À la vérité, son honneur l'y obligeait peut-être, mais il aurait pu s'y prendre d'une autre manière. Il suffit, Pedro Crespo. Relâchez-le, lui aussi. Le voici, monsieur. Considérez-moi, monsieur, comme votre serviteur à jamais, comme votre esclave. De ma vie, pour moi, je ne songerai plus à chanter. Oh, et moi, Rebolledo, au contraire, quand on me montrera l'instrument, brrr, je chanterai tout de suite. Ainsi l'auteur termine cette histoire véritable. Pardonnez-lui ses défauts. La radiodiffusion télévision française et la Société des comédiens français viennent de vous présenter en seconde diffusion l'Alcade de Zalamea, comédie en trois journées de Calderón de la Barca, adaptation nouvelle de M. Alexandre Arnoux, illustration musicale de M. Jean Viennaire, direction artistique Jacques Régnier. Nous vous en rappelons la distribution. Messieurs Julien Berthaud, le capitaine, Jean Meyer, dont Mendo, André Falcon, Juan, Jean Davy, dont Lope des Figueroa. Monsieur Fernand Ledoux était Pedro Crespo. Paul-Émile Débert, un soldat. Maurice Portera, le sergent. Louis Aymon, le roi Philippe II. Georges Baconnet, le greffier. Jean Pia, le chanteur de sérénade. Teddy Billis, Rebolledo. Michel Galabru, Nuno. Arsène Drancourt et Charles Millot, les paysans. Mesdames Gisèle Gazatsu, Inès, Denise Noël, l'étincelle, Geneviève Martinet, la récitante, et Maria Casares, Isabelle. Prise de son Noël Barbet, assistée de Georges Mormin.